Rassurez-vous, on n'étudiera pas le livre des Actes ce matin, mais j'ai besoin de cet exemple-là pour débuter. On est toujours dans le récit de l'aveugle né qui a été guéri par Jésus. Et je trouvais que le récit de la conversion de l'apôtre Paul est un exemple qui illustre, sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre encore mieux le récit qu'on a dans l'Évangile de Jean. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, on a deux récits de sa conversion qui sont donnés par l'apôtre lui-même. Puis on a un récit qui est donné par celui qui a écrit le livre des Actes, au tout début, quand il se convertit. Donc on a trois fois le récit de sa conversion. Et c'est intéressant de voir que les mêmes éléments se retrouvent à chaque fois dans son récit de conversion. C'est un témoignage de conversion. Ça va? Ici, on est au dernier témoignage dans le livre des Actes. Au verset 9, j'aimerais ça vous lire au complet. Paul est devant Festus et Agrippa. Agrippa, c'est un roi. Festus est le procurateur. Et Festus a profité de la visite d'Agrippa pour... Agrippa voulait entendre parler Paul. Ça fait que, et là, Paul est appelé à s'expliquer. Parce qu'il avait appelé à César pour sa condamnation, pour sa justice. Ça fait qu'avant de l'envoyer, il voulait l'écouter. Ça fait que là, Paul va raconter sa conversion. Pour moi, verset 9, j'avais cru, il est en train de parler avec ces deux personnes-là, là. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, une ville en Syrie. Avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le verset que je veux vous faire remarquer ici, bien, c'est intéressant. L'apôtre Paul, lui, vit une cécité à l'envers. Au lieu d'être guéri d'une cécité par le Seigneur le rend aveugle. Il voit une grande lumière, puis ça le rend aveugle. Alors, il va être guéri trois jours plus tard, on le sait. C'est intéressant. La fête de la lumière du Seigneur qui aveugle l'apôtre, qui n'est pas encore converti à ce moment-là, c'est tellement relié à notre histoire de l'aveugle-né. Et la mission que l'apôtre, que le Seigneur Jésus lui confie à l'apôtre Paul, c'est que tu ailles vers les païens, vers les nations, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Avez-vous vu le sens des mots ici, là? Bon, je vous invite à aller lire vous-même Acte 22, du verset 6 au verset 10. Faites-le pas maintenant, parce que vous allez perdre le fil. Prenez juste note d'aller lire. C'est le deuxième récit de la conversion. Vous allez voir, l'apôtre Paul dit toujours à peu près les mêmes affaires. C'est son témoignage personnel il le raconte simplement en quelques mots, comme notre aveugle-né. Vous allez le voir tout à l'heure, on va lire l'histoire, c'est pareil. Et le premier récit est raconté par Luc, c'est Acte 9-3, vous devez aller voir un peu plus loin, Acte 13-47, parce que l'apôtre Paul va dire qu'il a reçu sa mission dans le verset 13-47, quand il est avec Barnabas. C'est pas dit dans le passage de 9-3. Ça va? Mais les éléments sont tous là, avec l'objectif que le Seigneur poursuit. Ça va? Fait que ça, c'est notre introduction. Lumière, ténèbres, passer de la lumière aux ténèbres. Avant d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans notre texte, je me suis amusé à aller regarder dans le Nouveau Testament le nombre de fois que les termes aveugles ou au singulier ou au pluriel reviennent. Il y a beaucoup de guérisons d'aveugles dans le Nouveau Testament faites par Jésus. Et c'est directement relié au passage d'Ésaïe, 29:1 et 35:5, qui annonce que le Messie, ça va être une manière de reconnaître le Messie par la guérison des aveugles. Pas seulement que des aveugles, mais aussi des aveugles. La grande majorité des guérisons d'aveugles sont anonymes ou de façon générale. Il n'y a pas de précision qui est donnée sur les personnes, comme on a dans Jean 8. Il y en a une, par contre, que vous connaissez. C'est Timée, Bartimée, le fils de Timée. Hein? Lui est à Jéricho. Et quand Jésus va passer, il va crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Puis là, Jésus va l'appeler, il dit, « Jésus va lui demander, qu'est-ce que veux-tu que je fasse? » « Bien, que je recouvre la vue. » Ça va? À part celle-là, les autres sont presque tous anonymes. Et dans certains cas, c'est plusieurs aveugles qui sont guéris en même temps. La Bible parle au pluriel des guérisons, des cécités. C'est intéressant que c'est une des manières de reconnaître le Sauveur. Dans Ésaïe, je vais juste vous lire le verset 29:1, là. Dans Ésaïe, pour que vous soyez convaincus par les Écritures et non pas par ce que je vous dis. Demain, Ésaïe lui annonce les temps à venir avec le Messie. « En ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Quand Jésus guérit des aveugles, ça a le sens de qu'Israël reconnaisse qu'il est vraiment le Messie. Bon, il y a eu plus que des guérisons d'aveugles dans le Nouveau Testament, vous le savez, là. Mais le sujet qui nous préoccupe dans Jean, c'est la cécité. Et la parole de Dieu, là, j'aborde le sujet plus globalement, là, mais on ne le fera pas nécessairement au début. La parole de Dieu montre que, et on le voit dans le récit qu'on va lire dans Jean, que la cécité, ce n'est pas seulement que la cécité physique qui est visée. Il y a une cécité spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul, qui pensait comme pharisien être très, très au fait des choses spirituelles, commence par être aveugle pendant 3 jours avant de comprendre. Et comme tous les autres, il est délivré lui aussi de sa cécité spirituelle dans le récit qu'on a lu. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Bon, c'est particulier, ça n'arrive pas à tout le monde, mais en particulier, lui, ça lui est arrivé. On connaît la mission que le Seigneur lui a confiée, c'est un peu normal, compte tenu de tous les miracles que le Seigneur a accomplis par l'apôtre Paul, que cet homme-là soit touché d'une manière particulière, compte tenu de la fureur qui l'animait avant sa conversion. Mais, la cécité spirituelle qui est reliée, que l'on peut voir comme une leçon de chose, hein? Un aveugle, c'est une leçon de chose pour les voyants. Et là, je me suis imaginé, et on va lire le récit, mais j'aimerais ça vous partager ce que j'ai réfléchi sur. Y en a-tu chez vous, y en a-tu ici, là, jeune compris, là, qui avait fait l'expérience d'entrer dans une salle noire. Pas de fenêtre, pas de lumière, aucune possibilité qu'un rayon de lumière entre dans cette pièce-là. Avez-vous déjà fait ça? Y a-t-il qui ont fait cette expérience-là? Hein? Peu importe l'endroit, Daniel. Le point, c'est pas l'endroit. Avez-vous fait l'expérience? Là, je vous dis, là, si vous rentrez dans votre chambre à soir puis vous fermez les stores, c'est pas suffisant parce qu'il passe encore de la lumière à travers des cracks. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y en a qui l'ont fait, l'expérience. Les jeunes, il y en a-tu qui l'ont fait ça? Si vous ne l'avez pas fait, là, faites-le. Je vous dirais, allez derrière la piscine en bas, là, puis dites à quelqu'un de fermer les lumières. Vous allez être pas loin du zéro absolu lumière. Vous pouvez le faire après, hein? Je vous invite à le faire. Bon, il y a des rats, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, là, mais c'est pas grave. Allez le faire. Et là, vous allez avoir une idée de ce que c'est un aveugle né. Es-tu d'accord, Manon? On voit rien. Puis quand on voit rien, là, on a une idée de ce que c'est qu'un aveugle né pendant probablement plus qu'une trentaine d'années dans sa vie a vécu. OK? Fait que là, on commence à être prêt à lire notre passage. On va le lire tout de suite. C'est Jean 9. Je vais revenir un petit peu sur ce que Gilles a dit la semaine passée, parce que c'est juste complémentaire à ce qu'on voit ce matin. Gilles a montré particulièrement la semaine passée, bien, pas Gilles, la parole de Dieu à travers Gilles nous a enseigné la semaine passée que c'est Jésus qui est allé vers l'aveugle. C'est pas l'aveugle qui est allé vers Jésus. Et que Jésus est intentionnel quand il fait ça, puis il est intentionnel quand il a fait de la boue le jour du sabbat, avec de la salive, puis que c'est intentionnel que les gens fassent association avec l'acte créateur de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, qui a soufflé dans ses narines. Il a fallu qu'il fasse un tout, une image de l'homme avec la poussière de la terre. Puis j'ai posé la question à Gilles, après j'ai dit, Gilles, comment est-ce qu'on fait faire un homme avec la poussière de la terre si on ne fait pas de la boue pour en faire une espèce de modèle? Dieu était capable de faire ça facilement, là. À quelque part, de la poussière sans eau, vous ne faites rien. Fait que Jésus a pris de la salive. Donc, Dieu, là, quand il insuffle de l'air dans les narines de ce modèle humain-là, puis qu'il lui donne la vie à la poussière, c'est comme ça sort de sa bouche. Jésus, quand il met de la salive dans la boue pour mettre ça sur les yeux c'est un acte créateur qu'il est en train de faire. Il est en train de donner un exemple intéressant ici. Fait que le Seigneur Jésus, il est intentionnel dans cette histoire-là, et ce n'est pas l'aveugle. Et ça, c'est ce qu'on a appris la semaine passée. Vous vous rappelez de ça? C'est clair? Je n'invente rien? Ce matin, on va se pencher davantage sur l'aspect de la cécité. C'est pour ça que je vais faire réfléchir sur la cécité, puis la manière aussi dont ça va se dérouler toute l'action. Fait qu'on va le lire, Jean 9, au complet cette fois-ci. Jean 9, verset 1. Tout le monde est là? Luc, tu écoutes? Tu vas l'avoir, Luc. Lâche pas. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En vrai, les thèmes de la lumière qui reviennent constamment. Et là, c'est Jésus qui dit, moi, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant en clair. Arrêtez-vous ici, là, cet homme-là, ça fait 38 ans qu'il ne voit rien. Les gens qui viennent J'imagine qu'un aveugle né découvre que les autres voient. Mais comment qu'on découvre ça, que les autres voient, quand on n'a jamais vu de notre vie? Je ne sais pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire, dans la tête d'un aveugle, voir? Ben lui, il touche, il tâte avec ses doigts. Hein, Manon, j'imagine que c'est comme ça que ça marche. Hein? Puis c'est comme ça qu'il découvre les objets, il ne peut pas autrement. Puis il y a les sons, hein? Les sons que les gens, les choses émettent. Et là, cet homme-là est délivré des ténèbres. Il semble que je serais heureux, moi, que ça m'arrive. Pas heureux. Je serais extrêmement heureux. Bien, bien heureux. Pas un petit acte là, ordinaire. Nous, on lit ça, c'est une histoire qu'on connaît. On l'a rabâché. Mais est-ce qu'on savait? C'est ça qui lui est arrivé. Vous sortez de la cave, là, qui fait noir, là, d'un coup sec, vous voyez clair. Vous voyez où vous êtes. Et lui, il n'était pas dans une cave. Il était dehors, puis il a vu des arbres, il a vu des hommes, il a vu des personnes, il a vu toutes sortes d'affaires. Il a vu la piscine de Siloé, il l'a vu. Le réservoir de Siloé. Il n'a pas juste mis de l'eau dans ses yeux. Maintenant, il l'a vu. Ah, c'est ça, le réservoir de Siloé. La joie de cet homme-là. Gardez ça dans votre tête, la joie de quelqu'un qui est délivré des ténèbres. On continue. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « Non, non, c'est moi. » Là, on ne sait pas le « moi ». Il y a un nom derrière le « moi », mais nous, on ne le connaît pas. Fait que ça s'ostine sur savoir si c'est vraiment lui. Mais lui, il dit, « Regarde, c'est moi. » Mais c'est tellement incroyable. J'ai utilisé le mot à dessein, là. C'est tellement inouï, c'est tellement extraordinaire, une affaire comme ça, que le monde, les voisins qui le connaissent, ils n'arrivent même pas à le concevoir. Mais celui qui l'a vécu, lui, il le sait. L'apôtre Paul, qui raconte trois fois, c'est-à-dire qui raconte au moins deux fois son témoignage, il le sait, ces choses-là. Vous allez voir, si vous lisez l'histoire du dernier récit de conversion, le roi Agrippa va dire à Paul, « Ton grand savoir t'a fait déraisonner, Paul. T'es rendu fou. » Même genre de situation qu'on va lire. Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Première fois qu'il raconte son témoignage. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. C'est-tu simple? Pas compliqué. Il n'a pas dit, j'ai pris tel, ben là, il y en a un qui m'a aidé à traverser telle affaire, puis non, non. J'ai fait ce qu'il a dit. Il l'a dit dans des grandes lignes. Pas le fait que les détails, c'était pas nécessaire. Il a juste raconté l'essentiel. Puis là, ben, ils sont divisés, là, ils n'arrivent pas à croire que c'est lui. Ça fait qu'ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Parce qu'il a mentionné le nom de Jésus. Ça fait que les pharisiens avaient interdit de reconnaître Jésus comme le Christ. C'est important qu'ils savent, qu'ils soient au courant au moins de ce fait-là. Hein? J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont pensé. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » C'est encore plus résumé que la première fois, mais ils ont compris. C'est simple, le témoignage de l'individu. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle né? Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut des divisions parmi eux. Les notes de Gilles disaient, Jésus cause la division partout où il passe. Si vous pensez qu'en vous associant à Jésus que vous allez vivre en paix avec tout le monde, oubliez ça. C'est la division qui nous suit tout le temps. Jésus divise. Ici, pour une niaiserie, le sabbat, qui soi-disant peut être observé par lui-même, ils sont divisés. Ils ont perdu de vue le miracle extraordinaire qui s'est passé. D'ailleurs, ce que ça va mener, ça va mener à douter de l'homme, de son témoignage. Et il eut division parmi eux, et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit. L'homme répond, « C'est un prophète. » Il ne sait pas d'autre chose sur Jésus, lui. Jésus est bien plus qu'un prophète, mais c'est ce qu'il reconnaît minimum. Les Juifs, écoutez bien, ne crurent pas. Les Juifs, on peut assimiler ici, c'est les pharisiens en même temps, là. Ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il fasse venir ses parents. Là, ton témoignage tout seul, ça suffit pas. Faut vraiment savoir si t'étais aveugle avant. Ça vous rappelle pas des choses quand vous racontez votre témoignage de conversion à des personnes? Ils vous croient pas? Ça nous arrive, hein? Plus vous êtes calé dans quelque chose, plus on va vous dire que ton grand savoir t'a fait déraisonner. Mais quand c'est juste un aveugle qui n'est pas instruit, qui n'a rien de ça, on va lui dire qu'on ne le croit pas tout simplement. C'est un menteur. Fait que là, ils font venir les parents. Verset 19, et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous ne savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Rappelez-vous le verset d'Ésaïe là, qui dit que les yeux des aveugles vont être ouverts par le Messie. Il y avait plein d'indications comme ça dans l'Ancien Testament qui montraient que c'était Jésus le Messie. Il y avait une interdiction qui l'empêchait de le faire, oui. Oui, on va y. En parlant bien fort. L'incrédulité des Juifs ici, ça a fait obstacle à la joie des parents et à la foi des parents du peuple. C'est quoi ton fils, il ne voit pas, mais il voit. Ça devrait être une bonne nouvelle, hein? Sont dans la crainte. La seule chose qui les anime, c'est la crainte. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Déclaration doctrinale très forte, qui n'a pas de bon sens. D'ailleurs, l'homme est simple, lui. Vous allez voir, sa réponse est très simple. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. » Je ne connais pas Jésus. Il l'a vu une fois, puis il a fait ce qu'il a dit, puis ça a marché. Mais, il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais. » Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Là, il leur rentre dans le gâche là, quand il dit ça. Là. Ouf! « Il est qui, toi, petit cul, là? T'as pas été à l'école, puis tu s'en viens de nous faire de la morale? » Dans le fond, c'est exactement ce qu'il fait, mais il fait pas la morale. Il fait juste leur refléter leur péché d'incrédulité. Et ils sont confrontés avec un homme qui témoigne de ce que le Seigneur a fait. Rappelez-vous ça, le témoignage est important. On ne sait pas témoigner souvent. On ne témoigne pas des bonnes choses. On prêche plutôt que de témoigner. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Lui ici, il ne fait que témoigner. Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es ton disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Amène encore le témoignage. « J'ai été guéri. Je vois clair. Je voyais rien avant. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Gilles en a parlé la semaine passée. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a aucun récit de guérison d'aveugle né. Et même dans le Nouveau Testament, les autres guérisons d'aveugles, on ne parle pas d'aveugle né. Il y en avait peut-être dedans, mais on ne sait pas. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Les pharisiens, votre logique de religieuse, ça ne marche pas. Rappelez-vous, Jésus a discuté avec eux autres à propos des démons. Il disait, les pharisiens l'accusaient de chasser les démons par Belzébul ou par le diable. Jésus dit, réfléchissez un peu. Voyons, wake up! Si Satan est divisé contre lui-même, il ne va pas tenir. Si Satan chasse Satan, ça ne marche pas. Comprenez-vous le raisonnement simple? La grande majorité des gens sont pris avec des raisonnements compliqués, puis dans le fond, là, il y a un point de faiblesse dans toutes leurs affaires, c'est qu'évidemment, en rejetant Christ, ils rejettent toute possibilité d'avoir la lumière. Ici, là, c'est bien simple l'affaire, c'est, regarde, s'il n'est pas de Dieu, s'il est pécheur, comment Dieu peut-il l'honorer? Il n'y a pas personne qui a guéri des aveugles-nés dans le passé. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. » Oh là là, les autres, ils voient ça comme ça, là. Ils ont osé faire de la théologie avec eux autres. Et ils le chassèrent. Jésus ayant appris qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il n'y a pas beaucoup de préambule ici, hein, dans la déclaration de Jésus. Et l'expression « fils de Dieu » ici, là, dans l'Israël de ce temps-là, on pense que c'est relié carrément, c'est une déclaration sur le Messie. Quand Jésus dit ça, là, crois-tu au Messie? Fils de Dieu, c'est une expression quand même très forte. Fils de Dieu, c'est pas n'importe qui, là, c'est le Fils de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même. Mais en même temps, c'était une déclaration, Jésus l'invitait à croire au Messie, à celui que les prophètes ont annoncé. En tout cas, je connais pas la théologie de l'homme, la parole de Dieu n'en parle pas, ce n'est que des présuppositions. Mais l'appel de Jésus à croire au Fils de Dieu, et si l'homme, il sait pas que c'est Jésus, là, il va lui demander une question à Jésus. Il dit, c'est qui ça, le Fils de Dieu? Ouais. Mais c'est le but de l'Évangile de Jean, ça c'est clair. Mais c'est bon. Tout le monde a compris, Jean 20, 31? Mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Chez nous, Fils de Dieu, ça a une connotation plus grande, ben pas plus grande, mais différente un petit peu, parce qu'on n'associe pas nécessairement Fils de Dieu au Messie. On a des noms pour désigner Messie. Entre autres, Christ, ça désigne Messie. Ça désigne loin. Ici, on parle de Jésus, là. Le titre de Jésus-Christ est utilisé par l'Église, mais l'Église n'existe pas encore à ce moment-là. Fait que Jésus ne s'appelait pas Jésus-Christ à ce moment-là. Ça va? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est intéressant, Jésus se sert de ses yeux. Hein? Avant, il n'aurait pas pu lui dire ça, tu l'as vu. Mais là, il le lui dit. Mais Jésus croit à sa guérison. Lui. Et il dit, vous connaissez la réponse, cet homme-là, une foi inébranlable tout de suite en Jésus-Christ, il va faire plus que ça, il va dire, je crois Seigneur. Il l'appelle Seigneur, l'homme qui est devant lui, et il se prosterna devant lui. Donc, il a rendu un acte d'adoration à Jésus-Christ. Et chez un juif, c'était clair. Ou bien, si les pharisiens l'avaient vu, ils auraient dit, il fait de l'idolâtrie parce qu'il adore un homme. Mais lui, c'est évident qu'il se prosternait devant Dieu lui-même. Puis Jésus dit, et là Jésus donne le sens de pourquoi ces événements-là sont arrivés. Et là, ça nous rappelle ce qui est arrivé à l'apôtre Paul aussi. Ça nous rappelle ce qui nous est arrivé à nous aussi. Parce que l'application finale de tout ça, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, les croyants du Nouveau Testament en complet. Puis Jésus dit, et là, il ne s'adresse pas juste à l'homme qui a été guéri, il s'adresse à tous ceux qui sont là, et il y a d'autres pharisiens qui sont là. Est-ce que c'est les mêmes? Ça me surprendrait, parce que leur question n'est pas aussi virulente que l'entretien que les autres pharisiens ont eu avec l'aveugle. Mais, on ne le sait pas. Fait qu'il dit, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » En apparence, je pense que c'est une question honnête de leur part, parce qu'ils ont compris quelque chose. Tournez avec moi dans Romains, restez là, on va juste finir le dernier verset après, mais allez avec moi dans Romains 2. Regardez comment la pensée juive était à cette époque-là. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, on pourrait dire de pharisien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, des termes assez liés à notre récit, hein? Vous ne trouvez pas? Mais la pensée hébraïque était comme ça. Évidemment, ça parle des Juifs en rapport avec les nations, avec les païens, ici dans le texte de Romains. Mais c'est comme ça qu'ils se voyaient. Et Jésus vient de dire aux pharisiens, il va leur dire au verset 41, Jésus répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. » Jésus est venu pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient point, et que ceux qui ne voient point voient. Laissez-moi regarder mes notes un peu, là, parce que je suis un peu pêle-mêle dedans. Vas-y. On y arrive, oui. Ceux qui voient. Écoute, avez-vous compris la question de... Rappelle-moi ton prénom. Lorraine. Excuse-moi, Lorraine. Je devrais leur prendre. La première partie de ta question, c'est est-ce que, quand Jésus dit, afin que ceux qui voient, point de vue spirituel. La deuxième partie, c'est aussi spirituel. Afin que ceux qui prétendent qu'ils voient, ou qui pensent qu'ils voient, réalisent. Ils sont aveugles. Oui. Mais fais attention, le français, c'est difficile des fois de rendre tous les concepts. C'est un français d'élégance ici, là, mais dans le sens que quelqu'un qui pense qu'il voit, quand il est confronté à la vérité, s'il s'entête dans son incrédulité, il devient aveugle. Ils sont aveugles. Ouais. Dépendamment du verbe qui est utilisé en grec, je peux vérifier, là, mais des fois, ça aurait pu être rendu par son aveugle. Tu sais, la traduction des Écritures, c'est quelque chose que Dieu fait à travers certaines personnes, certains humains, puis le français change avec les années en plus. Fait que quand ça a été fait dans les années 1900, le français est déjà offensé beaucoup. Fait que, on n'a pas tout à fait la même compréhension des textes, même en français. Donc, Jésus donne le sens de la leçon d'objet qui s'est vécue parmi eux. Là. C'est une leçon d'objet qui a duré quelques heures maximum, avec une personne qui était complètement née aveugle, donc qui n'avait jamais vu la lumière, une personne qui, elle, c'est devenu son témoignage personnel. Il ne témoignait pas de Jésus comme sauveur, cette personne-là. Il témoignait de Jésus comme celui qui l'a guéri. Et même là-dessus, les gens qui le connaissaient, même ses voisins, ont douté de son témoignage. Puis, cet homme-là, c'est une bénédiction sans précédent qui lui arrive. C'est pas la même chose qui nous arrive à nous quand on se convertit à Christ. Là, je vais faire attention quand je vais parler ici. Il y en a qui n'ont pas vécu nécessairement une expérience de conversion dans un même épisode. Moi, ça m'est arrivé dans une heure précise que je peux dater, Mais mes fils, donc, ils se sont convertis dans leur jeunesse, ils n'ont pas nécessairement vécu ça comme ça. Puis il y en a d'autres ici qui sont comme ça, qui ont vécu des conversions, on va dire progressives, qui sont arrivés à la foi. Ils ne sont pas capables de mettre ça sur une heure précise. Fait que sentez-vous pas rejeté parce que je vais parler ici comme d'une autre manière. Ça va? Vous allez vous reconnaître dans la conversion de toute façon. Vous êtes passé des ténèbres. Peu importe comment ça vous est arrivé dans votre vie, le principe est donné ici. Vous êtes passé des ténèbres ou de la cécité. Vous étiez des aveugles. Nous étions des aveugles. Au lieu de dire vous étiez des aveugles, nous étions tous des aveugles et nous sommes passés de l'état d'aveugle, le nez spirituel, à un état où on a vu les choses spirituelles. Est-ce qu'on les a toutes compris, les choses spirituelles? Non. J'imagine que l'aveugle, après avoir recouvré la vue, il a fallu qu'il découvre un paquet d'affaires qui, malheureusement, il avait imaginé dans sa tête, de toutes sortes, de toute manière, en tout cas, pas nécessairement exact. Au fur et à mesure qu'il s'est mis à voir des choses, des arbres, le vent, les effets du vent, tout ça, sa compréhension des choses s'est améliorée avec le temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas parce qu'on voit qu'on comprend tout. Ça va? Et c'est la même chose pour la conversion d'un croyant. Et ça dure toute la vie du croyant après. On a des choses à apprendre d'un point de vue spirituel. Mais on voit. Avant, je voyais pas. Moi, je peux dater ça, là. Avant, je ne voyais pas. Et la joie que cet homme-là a eue de voir les choses, je l'ai vécu. Et quand je raconte mon témoignage, j'essaie de dire ça à tous ceux qui veulent l'écouter. Mais ils ne croient pas. La grande majorité, ils me disent, ton grand savoir, Christian, t'a fait déraisonner. Je me prétends pas être l'égal de l'apôtre Paul, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils me traitent comme ça. Ton grand savoir t'a fait déraisonner. Ici, l'homme qui est né aveugle, c'est un exemple pour nous de la manière de raconter notre témoignage. Vous devez raconter votre cécité. Bon, dites-le dans vos mots, là. Je vais pas vous faire utiliser les termes exacts. Mais avant, même si ça s'est produit progressivement, avant, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, vous voyez. Puis aucun d'entre vous, là, va dire ça d'une manière orgueilleuse dans le sens que vous comprenez tout. Il y a une différence entre voir les choses spirituelles et les comprendre. Moi, je vois bien des choses spirituelles que je comprends absolument pas, même encore aujourd'hui. C'est pas nécessaire. Quand Dieu me donne la lumière, je finis par comprendre. Mais est-ce que je veux tout comprendre avant de mourir? Non. Mais je vois les choses spirituelles. Avant, je les voyais absolument pas. Avant, c'était l'ésotérisme, c'était toutes sortes d'affaires qui expliquaient ou c'était les inventions mécaniques de l'homme qui a évolué, parti du singe, puis c'est parti de paquet d'hasard, absolument inexplicable. Je voyais absolument rien, j'étais complètement aveuglé. Je suis dans un antre, j'étais dans une université, c'est l'antre par excellence de la noisseur. Si je disais ça à l'Université Laval où j'ai été éduqué, je pense qu'ils me mettraient en prison. Mais c'est comme ça que je les considère. Ah, ils m'ont appris d'autres choses utiles dans la vie, mais sur les choses fondamentales, ils sont à côté de la traque. Je vois les choses spirituelles aujourd'hui, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut se réjouir de ça? Et de ça, on peut en témoigner à quiconque. Est-ce qu'ils vont vous écouter? Ils vont vous traiter de fou, la plupart. Certains vont écouter votre témoignage. Et certains vont être amenés à Jésus, simplement parce qu'on le dit ensemble. Ah, à travers de ça, il y a quelques doctrines, des fois, qu'on dit, mais c'est pas les doctrines qui convainquent les gens. Votre expérience personnelle, personne ne peut vous l'enlever. C'est tellement vrai là que le jour, si on vous met en persécution, qu'on vous menace, on menace à votre vie, la seule chose qui va vous aller vous en souvenir, c'est ça. Regarde, j'ai passé de la mort à la vie. J'ai passé des ténèbres à la lumière. Et c'est un thème important, la lumière, dans l'Évangile de Jean. Ça revient, ça commence avec ça. Tournez dans Jean 1. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Quand vous passez des ténèbres à la lumière, vous passez de l'aveuglement spirituel à la vision spirituelle, à la vue spirituelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le thème de la lumière ici qui est introduit. La lumière, lui dans les ténèbres, ou à lui dans les ténèbres, c'est pareil. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais en passant, quand vous mettez de la lumière dans les ténèbres sont éclairées. Mais ça veut pas dire qu'ils la reçoivent. Dès que vous mettez un grain de lumière à quelque part, ça marche. Les ténèbres sont disparues. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, le fait que Jésus est venu, qui a accompli les Écritures. Puis en venant, Jésus était la lumière du monde. Rappelez-vous, hein, dans l'Évangile de Matthieu, terre de Zabulon et de Nephtali, tu as vu une grande lumière se lever parce que Jésus a commencé son ministère, a travaillé dans son ministère en Galilée, dans le secteur de Bethsaïda. Et celui qui écrit l'Évangile de Matthieu ou de Luc, il raconte, il dit, garde, la terre de Zabulon et Nephtali ont vu une grande lumière se lever. C'est Jésus, la lumière. C'est ça qu'ils ont vu. Puis tout homme a été éclairé vers la lumière. Est-ce que tout homme a cru ou accepté? Non, mais ils sont éclairés. Et le fait que Jésus est venu il y a 2000 ans, ça éclaire encore tout homme aujourd'hui. Et c'est de ça qu'on témoigne, nous. La lumière de Jésus-Christ. Donc, de méditer sur le fait qu'on est passé des ténèbres à la lumière, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans notre témoignage. C'est la chose que le Seigneur a faite pour vous. Dites-le dans vos mots. Dites-le pas dans mes mots à moi. Mais c'est ça, en bout de ligne, que le Seigneur a fait. Je voyais rien, j'étais bouché bien raide avec Jésus-Christ. Quand j'ai mis ma confiance en lui, regarde, le voile est enlevé. J'étais dans les ténèbres, je voyais rien. Là, je vois. Et ça, je vous le dis encore, ça n'a rien à voir avec votre compréhension de toutes les choses spirituelles. Ça, c'est quelque chose que Dieu donne au fur et à mesure et qu'il va donner jusque dans l'éternité. Mais vous voyez, avant, on ne voyait rien. T'es bouché. T'es en arrière de la piscine, là, puis dans un endroit complètement fermé, pas de lumière. Puis en but à vous trébucher n'importe où. Je vais terminer avec ça. Il y aurait plein de versets que j'aurais aimé vous lire, mais regarde, on n'a pas le temps. Je vais en lire peut-être. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, c'est nous, ça, vous. Vous êtes une race, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et ça, là, si je traduis ça dans l'histoire qu'on vient de lire, qui vous a appelé de l'aveuglement à la vue. Aveuglement à la vue. Et aveuglement, pas juste une lumière qui m'éblouit, là. Aveuglement, je vois rien. Maintenant, on va terminer avec un aspect de la lumière qui nous est révélé dans, pas l'Évangile de Jean, mais dans l'Épître de Jean. Vous ferez une recherche, ceux qui ont accès à Online Bible ou à un autre logiciel biblique, sur le terme lumière, vous sortez tous les versets sur la lumière, vous allez avoir plein de belles références aux lumières et ténèbres. Mais dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, je vais vous lire en séquence les versets suivants, 1-5. La nouvelle que nous avons prise de lui, c'est que, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Mais, 1 Jean 1,7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion de Jésus son Fils. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Donc, marcher dans la lumière, là, ça ne veut pas dire que je comprends tout, ça veut dire que je suis la lumière. Je la vois de toute façon. Avant, je ne la voyais pas. Là, je la vois. Donc, je la suis. OK? Toutefois, 1 Jean 2,8, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ça parle de Jésus qui va revenir en même temps. 1 Jean 2,9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Et c'est grave, cette déclaration-là. Si moi, je la comprends bien, là, ça veut dire que je ne suis même pas sauvé. Vous voulez savoir un autre témoignage de vous êtes passé de la cécité à la guérison totale de votre vue spirituelle? C'est que vous aimez les frères. Alors, ça veut pas dire que des fois, on n'a pas des petites chicanes de famille. On les règle. On les règle. C'est extrêmement important, cette déclaration-là. Nous savons, hein, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il n'est même pas guéri. Sa vue n'est pas guérie. C'est extrêmement important, ce verset-là. Moi, c'est drôle, hein, malgré tous les coups durs que j'ai pu vivre dans le corps de Christ depuis 33 ans, il y a une chose qui est indéfectible chez moi. Je finis toujours par aimer le corps de Christ. Je finis toujours par aimer le corps de Jésus, l'Église. Je suis pas capable de pas aimer l'Église. Des fois, je la trouve lourde, je la trouve pesante, je la trouve pas à mon goût, pas satisfaisante. Mais je suis pas capable de pas l'aimer. Ça vient-tu de moi, ça? Tu es plus fin que les autres? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont comme ça ici, là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, 1 Jean 2,10, et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, aspect spirituel, à vous de voir dans votre vie, de voir votre vision spirituelle des choses que vous avez, que les autres n'ont pas. Glorifiez Dieu pour ça. Et c'est ça que vous devez témoigner, dans vos mots. Et c'est clair que vous annoncez Jésus-Christ, parce que votre vision spirituelle, c'est que vous avez vu Christ. Toutes les doctrines qui découlent après, là, c'est pour faire des disciples de celui qui dit qu'il veut passer des ténèbres à la lumière. Mais principalement, il doit savoir qu'il faut qu'il passe de la noirceur totale. Hein? Est-ce qu'on embarque là-dedans? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que je vous ai inventé des affaires, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Là. Si j'ai erré sur les Écritures, dites-moi là. Faites-moi pas des beaux signes juste parce que vous m'aimez la fraise, vous avez fait comme ça. Non. Je sais que vous êtes plus fort que ça. Témoignons de Jésus de cette manière-là. Et réjouissons-nous de cette vue qu'on a eue. Cet homme-là, là, essayez de vous imaginer la joie pendant C'est sûr qu'après un mois, trois mois qu'il se met à voir, il a commencé à oublier lui aussi qu'il était aveugle. Comme tout le monde, on oublie. Mais s'il s'en rappelle, le moindrement qu'il fait un effort pour s'en souvenir, regarde. Il va dire, hey, là, moi, là, c'est le plus grand cadeau qui m'est jamais arrivé dans ma vie. Personne ne peut t'arracher ça, cette affaire-là. C'est quelque chose que le Seigneur t'a donné. C'est de ça qu'on doit parler. Oui, Omar. L'aveugle.